Le vieil homme est parti tout seul dans sa nuit. Après cette longue vie, où es-tu, je t'en prie? Sans barque, sans ami, ce vieil homme est parti. J'espère au paradis pour en faire rire d'autres. On n'oubliera jamais son visage et son cœur. Ce n'est que le temps qui passe qui séchera nos pleurs. Il faut vivre sans lui, attendre l'éclaircie. Alors comme par magie, il criera la vôtre. On n'oubliera jamais son visage et son cœur. Ce n'est que le temps qui passe qui séchera nos pleurs. On n'a qu'à faire comme si tu étais là, endormi. Si j'ai mal aujourd'hui, c'est sûrement pas ta faute. N'oubliera jamais son visage et son cœur. Ce n'est que le temps qui passe qui séchera nos pleurs. On n'oubliera jamais, non, son visage et son cœur. Ce n'est que le temps qui passe qui séchera nos pleurs. Ce n'est que le temps qui passe qui séchera nos pleurs.